m'intéresse aux femmes nues, je voudrais savoir où elles vivent. J'ai une passion exclusive pour cette espèce mal connue. D'après ce qu'on m'a raconté, la première femme était nue, mais ses filles ont dégénéré. Je ne sais qui les avait tues. Par bonheur, il existe encore ici ou là des spécimens, arborant fièrement leur corps comme autant du jardin d'Éden. Elles habitent le papier glacé, les écrans de télévision. Elles vivent dans les publicités, dans les cabines des camions. On peut en voir dans les musées, parfois au plafond des églises, dans le lit des gens du showbiz ou sur le mur des cabinets, dans les illustrés masculins, mais pas dans la réalité. Où sont les femmes habillées, et intéressantes aussi mais moins? La femme nue aime les salles de bain où elle peut se faire la peau douce, se parfumer, soindre avec soin, sourire sous l'eau qui l'éclabousse, pour inspirer toujours l'amour et se préserver des kilos. Elle se nourrit de yaourt, la nuit seule devant son frigo. Je rêve d'en adopter une que j'observerai jour et nuit. Deux peut-être, une blonde et une brune, pour qu'elles se tiennent compagnie. Paraît qu'il y en a en vitrine, mais dans d'autres pays, hélas, si, si, on a que les magazines. Vivement que l'Europe se fasse, par la fenêtre du voisin, il m'a semblé apercevoir l'autre soir un corps féminin qui luisait comme un ostensoir. J'ai sonné dans mon pyjama, tremblant tel oiseau sur la branche, mais c'était son home cinéma. Sur l'écran noir de ces nuits blanches, je voudrais lancer un appel aux femmes nues du monde entier. Même usées, même plus très belles, même légèrement habillées. Femmes nues d'Afrique ou d'Asie, que l'on distingue à leurs oreilles. Femmes nues de la mythologie, femmes nues qui peuplent mon sommeil. Femmes nues défavorisées qui n'ont pas de quoi se vêtir. Sans logis ou qui vont nu-pieds, laissez-moi donc vous accueillir. J'en voudrais au moins mille et une chaque nuit au menu. Certains veulent décrocher la lune, je m'intéresse aux femmes nues. Moi, viens, je t'emmène, tu n'en reviendras plus. Viens, je t'emmène au pays des femmes nues.